Cafouillage et brondouillement. Faire partie du groupe, appartenir au clan, ne pas se démarquer, c'est le désir profond de toute adolescente. Faucille ne déroge pas à la règle. Est-ce en raison de cela qu'elle n'a pas transmis à maman les injonctions répétées de sa professeure d'allemand concernant d'éventuelles lunettes? Sans doute. Mais au lendemain des fêtes, cette frau professeur ne lâche plus son os, au point de téléphoner à la maison. Maman commence par prétendre qu'elle n'a pas les moyens, mais qu'elle y songera. L'autre insiste, jusqu'à obtenir gain de cause. Au final, après visite chez l'ophtalmo qui confirme la myopie, puis chez l'opticien, Faustine se retrouve affublée de deux fonds de chope montés sur une armature verte bien voyante, prétendument assortie à ses yeux. Quelle punition! Elle trouve la situation d'autant plus injuste qu'elle avait développé une foule d'astuces compensatoires. Prendre des notes rapidement, quitte à copier sur son voisin, repérer une personne à sa silhouette ou à sa démarche. Pourquoi sans les dire? Déjà qu'elle est obligée de s'accoutrer de toutes ces robes et tailleurs de petite fille modèle que maman lui confectionne. Faustine rêve d'un jean, c'est d'un t-shirt. Elle n'a pas du tout envie d'être différente des autres. Quel poisse, une mère qui sait coudre! Sans compter qu'elle n'a rien trouvé de mieux en sortant de chez l'opticien que de la traiter de singe à lunettes. Faustine a boudé jusqu'à ce que ça cesse. Maman lui répète qu'elle a tort de ne pas savoir rire d'elle-même, que ça ne l'aidera pas dans la vie. En attendant, elle sort du brouillard. Elle voit enfin clair. C'est magique! Bientôt, elle appréciera la planque derrière ses carreaux protecteurs. Quant à l'humour de maman, Faustine a beau faire, elle ne s'y habitue pas. Même si c'est un humour typiquement balois, leur ville natale à toutes les deux. À Bâle, la coutume veut que pendant le carnaval, on déclame des poèmes satiriques, souvent cruels, qui mettent en lumière tous les défauts, toutes les misères et cachotteries, tant des politiciens ou dirigeants en place que du plus proche voisin. Les autochtones apprennent très jeunes à se blinder, à ne pas se prendre au sérieux. Mais maman a tendance à oublier que Faustine n'a pas grandi dans sa ville natale. Sans compter qu'à l'adolescence, le sens de l'humour n'est pas forcément partagé. Résultat, la jeune fille prend tout au premier degré et souffre de ces piques parfois féroces. En conséquence, elle n'est pas prête de porter ses lunettes en permanence, même si, à l'école, paradoxalement, personne ne s'est moqué d'elle. Heureusement, la fidèle Nicole est là. Rarement, mais néanmoins ponctuellement, Faustine est autorisée à passer le week-end à Roquefort-les-Pins. C'est une évasion bienvenue. Les deux amies se promènent dans la campagne provençale. Ils pique-niquent parfois en dissertant des heures durant. Il arrive que Nicole soit triste à son tour, parce que sa maman est fréquemment malade. Faustine ne la croise qu'au déjeuner dominical. Le reste du temps, elle demeure cloîtrée dans ses appartements. Faustine apprécie qu'on ne lui parle qu'en anglais et qu'on l'oblige à répondre de même. C'est un bon exercice, elle fait des progrès rapides. Se considérant en exil forcé, la maman de Nicole refuse d'apprendre le français. Elle n'a pas supporté d'avoir été obligée de suivre son riche mari. Séparée de son Angleterre natale, sa famille, ses amis, oisive depuis que ses enfants sont scolarisés, elle s'ennuie, se morfond, noyant son chagrin dans l'alcool. Elle se promène toujours un verre à la main. Un dimanche soir, alors qu'il ramenait Faustine chez elle, elle a été prise d'une subite crise de folie. Elle a provoqué une violente dispute et tenté de sauter de la voiture en marche. Son mari a eu juste le temps de la plaquer contre le siège en refermant la porte. Il était furieux, serrant les dents sans même la regarder. Faustine a été impressionnée par ce comportement extrême chez des adultes. Elle a constaté qu'il y a pire que chez elle, finalement. Pendant ce temps-là, au lycée, notre ado nage en plein dilemme. Un certain Frédéric semble s'intéresser à elle. C'est un beau brun ténébreux, originaire de Corse, paré d'une aura de rebelle qui ne déplaît pas à la jeune fille. Est-ce un conflit de loyauté? La crainte d'attiser la jalousie de sa meilleure amie? Le fait qu'elle trouve qu'il est trop bien? Faustine fait mine d'ignorer les avances du jeune homme et lui bat froid. Elle le regrette très vite, et afin de rattraper le coup, finit par s'en ouvrir à maman. Cécile lui explique qu'un interdit attise l'envie. Par conséquent, si Faustine convainc Frédéric qu'elle n'est pas disponible, il sera tenté de se rapprocher d'elle. Pourquoi ne pas lui envoyer une lettre anonyme? Sitôt dit, sitôt fait. Muni d'une pile de vieux journaux, d'une paire de ciseaux et d'un tube de colle blanche, Faustine passe de longues soirées à rédiger, lettre après lettre, un message que Sherlock Holmes ou Hercule Poirot n'auraient pas renié. Au final, cela donne « Laisse Faustine tranquille ou tu auras affaire à moi !» Il ne reste plus qu'à passer discrètement le message à l'intéressé. Ce sera chose faite à l'heure de la comptine. Faustine, sous prétexte d'aller aux toilettes, saute le dessert, repère le manteau de Frédéric dans le vestiaire et, veillant à ce que personne ne la surprenne, glisse la lettre dans sa poche. Hélas, à ce jour, Frédéric s'est montré d'une obéissance exemplaire.